agent britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1892, 26 janvier. Aujourd'hui, tête en ciment, cervelle de plâtre. Pas pu écrire une ligne, je crache nègre, je rends du noir comme une sèche. Rien ne m'arrive, ni lettres, ni visite, ni mon travail. J'attends l'inspiration comme une pompe. Imiter la nature, je veux bien, mais qu'elle commence. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, ce matin, Jules Renard. Je n'en fais pas mystère, lorsqu'un auteur jadis reconnu et célébré paraît s'enfoncer dans l'épaisseur d'un oubli, lorsque sa mémoire se réfugie dans les pages des anthologies désuètes, lorsque les écoliers n'en savent plus rien, l'envie surgit dans cette émission, non pas seulement de réparer ce qui peut sembler une injustice, mais d'aller débusquer au cœur d'une œuvre apparemment jaunie les éléments d'une vitalité qui la fit jadis rayonnante et qui peut conserver, sans qu'on s'en rende toujours compte, son ressort pour notre temps. On a demandé récemment à 40 professeurs des écoles stagiaires de dire ce qu'ils savaient de Jules Renard. 34 ont répondu que la question devait avoir un lien direct avec le roman de Renard. 6 seulement ont évoqué l'auteur de Poil de carotte. On aurait préféré tout compte fait qu'ils aient dit avoir été convaincus par l'éreintement redoutablement efficace que voici 70 ans, Jean-Paul Sartre avait fait de notre auteur, lui portant une estocade terrible lorsqu'il l'avait peint comme un écrivain, je cite, « ligoté », ligoté par son goût excessif du concret individuel. Eh bien, cela est fort injuste, s'agissant d'un républicain qui sut au contraire, à partir de l'immédiateté des choses, des animaux et des hommes, trouver l'universel, et qui, par conséquent, a encore beaucoup à nous dire. Je partage cette conviction avec mon invité de ce matin, Stéphane Gugelmann, maître de conférence à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, qui a consacré de nombreux écrits à Jules Renard et qui va nous dire pourquoi, à l'horloge d'aujourd'hui, il éprouve pour lui une dilection qui se nourrit des émotions et des réflexions les plus contemporaines. Et voici Sacha Guitry, 1954. Pierre Lost présente Sacha Guitry dans Les 100 merveilles. Vous voyez un manuscrit ouvert. Vous voyez la boîte en maroquin où je conserve pieusement ce manuscrit parce qu'il est de Jules Renard, parce qu'il est le manuscrit d'un chef-d'œuvre intitulé Poil de carotte. Vous connaissez tous Poil de carotte, mais nous allons supposer que parmi vous, il est une personne qui n'ait jamais eu encore la joie de le lire. C'est à cette personne que je m'adresse en ce moment. Poil de carotte, c'est l'histoire d'un petit garçon qui n'est pas heureux dans sa famille et qui est franchement détesté par sa mère. Combien de livres ont été faits sur ce sujet? Je vais même plus loin, combien de carrières littéraires émouvantes et sinistres se sont établies sur ce point de départ. Je pourrais vous en citer 20, mais je ne le fais pas, car à vrai dire, je ne raffole pas de ces sujets trop larmoyants et trop faciles. Poil de carotte, j'en raffole, ne fût-ce que pour une ligne. Cette ligne est la dernière de l'ouvrage, elle résume tout, elle est terrible. L'enfant est assis dans l'herbe, son père vient de se montrer indifférent à son égard, sa mère vient de s'affirmer cruelle, et Poil de carotte, resté seul, murmure ces mots: tout le monde ne peut pas être orphelin. Stéphane Gugelmann, bonjour. Bonjour. Tout le monde ne peut pas être orphelin. Voilà peut-être la phrase la plus célèbre du grand écrivain que nous allons, de concert ce matin, célébrer ensemble. Oui, qui n'est pas d'ailleurs la dernière phrase de Paul de Carotte, contrairement à ce que dit Sacha Guitry, mais en tout cas une des phrases les plus célèbres, c'est sûr. Donc ce texte qui paraît en 1894 est un texte d'inspiration autobiographique, ça n'est pas un roman, contrairement à ce qu'on a pu laisser entendre pendant longtemps. Mais c'est tout de même une transposition littéraire. C'est une transposition littéraire. Il n'y a pas de véritable pacte autobiographique puisque le nom du personnage central ne porte qu'un sobriquet, Poil de Carotte. Il n'est pas appelé Jules. Dans l'adaptation théâtrale du récit en 1900, l'enfant portera un nom qui est François. Donc il y a une volonté de la part de Renard de dire que cet enfant, c'est à la fois lui et ça n'est pas lui, ou peut-être ça n'est plus lui. Donc il y a un jeu comme ça de cache-cache sur la dimension générique du texte qui est intéressante à étudier. Il est roux puisque Poil de Carotte signifie cela. J'ai le projet un jour de faire une émission sur les roux, peut-être avec Georges Vigarello, avec Michel Pastoureau. Alors il faudra parler de Jules Renard, en effet, oui. Oui, oui, c'est bien mon intention. Il est roux, tout à fait, et sa mère dit qu'il a l'âme aussi jaune que ses cheveux. Autrement dit, il sent le soufre, puisque la rousseur est associée dans une tradition superstitieuse à une ascendance diabolique. Mais ça, c'est de tous les temps, c'est une continuité. Tout à fait. Sans chercher systématiquement l'actualité, je dirais que les roux, il y en a encore aujourd'hui, qui parfois éprouvent quelque chose comme l'esquisse du malaise qu'a ressenti Jules Renard. Cela dit, la rousseur n'est peut-être pas la seule cause de son malheur, loin de là, et c'est peut-être un prétexte. Et je pense qu'il faut trouver l'origine de cette enfance malheureuse dans la configuration du couple parental. C'est un couple qui aujourd'hui nous paraît étrange, puisque c'est l'association d'un républicain, anticlérical, bouffeur de curé, littéralement, franc-maçon, le père de Renard, qui s'appelait François Renard, et sa femme, Bigote. Voilà, Rosanne Collin, catholique pratiquante, dévote, et même bigote. Bigote, c'est le titre de la dernière pièce de Renard, qui met en scène précisément cette femme, aux prises avec le curé, manipulé par le curé. Un couple mal assorti, vous pensez avec fermeté, Stéphane Gugelmann, que c'est une réalité complètement dépassée pour notre contemporanéité? Ça, je ne sais pas. En tout cas, la disparate était peut-être le lieu commun des mariages au XIXe siècle. Arrangé, souvent. Voilà. Là, pour le coup, il semble que le père ait eu le béguin pour cette femme. Il lui a fait tout de même 3 enfants. Amélie, l'aîné, Maurice, le cadet, et Jules, le benjamin. Mais dans la pièce Poil de Carotte, le père, appelé Monsieur Lepic, dit à son fils « Nous ne te désirions pas ». Et je pense que si il y a une origine à poser sur ce malheur, il vient sans doute de cette absence de désir initial, car il apparaît clairement dans Poil de Carotte, le récit, la pièce, mais aussi dans d'autres textes, que Jules, ou son avatar de papier, Poil de Carotte, est une existence indue, parasitaire. Et le thème du parasite court toute l'œuvre de Renard. On va le retrouver notamment dans un des magnifiques romans de Renard, Les Cornifleurs. Les Cornifleurs, mot qui veut dire le parasite, le pique-assiette. Et qui aussi parfois convoite la femme de celui qui l'accueille. C'est exactement ça, c'est ce qui arrive Tartuffe. Dans le roman, tout à fait. D'ailleurs, les rapports entre Tartuffe et les Cornifleurs sont tout à fait visibles quand on lit le roman. Cette enfance, Freud n'est pas encore vraiment influent, c'est avant la psychanalyse, mais la psychanalyse en fraise son miel. Oui, alors en effet, Freud n'est pas encore influent, mais l'interprétation des rêves, ça doit dater de 1899. Poil de Carotte paraît en 94. Nous sommes dans cette période où on s'interroge beaucoup sur la conscience, l'inconscience. Renard, dans son journal intime, se conçoit comme double, parle de cet autre moi qui est en lui-même. Et cet autre moi, précisément, c'est peut-être Poil de Carotte, c'est-à-dire cet être en lui qui est lié à l'hérédité, au legs, n'est-ce pas, ce qu'il n'a pas décidé d'être et que ses parents lui ont légué. Les psychanalystes d'aujourd'hui insisteraient aussi beaucoup, je pense, sur les sévices que Poil de Carotte subit. Oui, alors ces sévices sont suggérés dans le récit de 1894. Madame Lepic semble-t-il, frappe son enfant. Comme Madame MacMiche dans La Comtesse de Ségur. Voilà, alors, elle fait partie en effet de ces personnages féminins qui maltraitent leur enfant. On peut penser aussi à la mère de Vallès, la mère de Jacques Vintras. D'ailleurs, on a pu dire que Poil de Carotte était du Poil de Vallès, à mon avis à tort, parce que l'écriture est complètement différente. Vous faites allusion au livre qui s'appelle L'Enfant de la trilogie. Exactement. De Jules Vallès. Oui. Exactement. Alors en tout cas, on voit Madame Lepic menacer son enfant de coups, de l'enfermer dans sa chambre, le priver de nourriture, lui faire manger des épluchures, des ordures, les ordures qui sont destinées aux lapins. Et je crois qu'il y a un épisode qui est tout à fait symptomatique des sévices sadiques qu'elle faisait subir à son enfant. C'est un épisode qui s'appelle « Sauf autre respect ». L'enfant est enfermé dans sa chambre, elle lui a subtilisé son pot de chambre, il a envie de se soulager, il va dans l'âtre, et au matin, elle récupère les excréments consciencieusement, les dilue dans la soupe de l'enfant. Et fait la soupe, c'est dégoûtant ce que nous racontez. Mais là. Oui, et fait manger à son fils la soupe pleine d'excréments en l'appelant « ma petite salissure ». Et je crois que, et nous en revenons à ce que je disais tout à l'heure, « nous ne te désirions pas », cette petite salissure, c'est ce qu'il faut effacer, c'est ce qu'il faut gommer. Et ce sentiment de n'être pas à sa place, de n'être pas désiré, d'être nié dans son identité propre, est quelque chose de constant qui se trouve dans Poil de Carotte, mais dans tous les écrits, et en particulier dans le journal. Le journal, il faut dire dès à présent que c'est peut-être aujourd'hui à nos yeux l'ouvrage le plus massif, le plus important de Renard. Oui, alors c'est ce posthume. C'est un journal posthume. En effet, journal que Renard a écrit pour lui-même, qui n'était pas destiné à la publication, et qui est paru donc à la fin des années 20, sous l'impulsion d'Henri Bachelin. Alors en effet, ça nous paraît être une grande œuvre aujourd'hui, mais c'est une œuvre tronquée, et c'est une œuvre qui ne correspond pas à ce que Renard a écrit, puisque Madame Renard, veuve, avait demandé à Bachelin de couper les passages trop polémiques ou trop intimes. Ils ont été brûlés ? Et les cahiers ont été brûlés. Elle a eu peur, je pense. Elle a eu, en effet, dans le journal, il y a des passages qui attaquaient des personnes assez proches de Renard, et elle a eu peur des conséquences, si vous voulez. Ce qui en reste est néanmoins, aux yeux de beaucoup encore aujourd'hui, admirable. Et en voici quelques exemples qui rendent compte de la partie, je dirais, apophthegme du journal, c'est-à-dire ces phrases célèbres pour être très ramassées à partir d'un œil très, très précis. Ce qui n'empêche pas que le journal contient aussi beaucoup d'analyses, de textes plus longs. Mais enfin, voilà la lecture par Sacha Guitry d'extraits du journal. C'est le 8 juillet 1954, toujours Sacha Guitry. On l'entend toujours dans sa spécificité avec intérêt. J'ai si bien connu Jules Renard que j'ai conservé dans l'oreille et le son de sa voix et sa façon de s'exprimer. Il ne faut jamais perdre de vue que Jules Renard était un humoriste et qu'il était imperturbable. Il ne faisait jamais que la moitié du chemin, laissant à son lecteur le soin de faire l'autre. Voici donc quelques pensées de lui, témoignages de son intelligence, de son esprit, de tout ce qu'il y avait en lui de sensibilité, de cruauté, de poésie et de pudeur. Le succès des autres me gêne, mais bien moins que s'il était mérité. Ce serait beau l'honnêteté d'un avocat qui demanderait la condamnation de son client. L'hirondelle, le jouet préféré du vent. Le facteur s'est acheté un petit âne pour aller plus lentement. Il est admirable que quelques-uns des vivants qui conduisent un mort au cimetière n'éprouvent pas le besoin pendant qu'ils sont là de se coucher par lassitude dans la tombe. Si vous m'annonciez la mort de ma petite fille que j'aime tant, et si dans votre phrase il y avait un mot pittoresque, je ne l'entendrais pas sans en être charmé. Si j'avais du talent, on m'imiterait. Si l'on m'imitait, je deviendrais à la mode. Si je devenais à la mode, je passerais bientôt de mode. Donc il vaut mieux que je n'aie pas de talent. Il était si laid que lorsqu'il faisait des grimaces, il l'était moins. J'ai une mémoire admirable. J'oublie tout. Cet homme est si petit et il a une bouche si grande qu'il tiendrait aisément tout entier dans sa bouche. Jamais nous ne sommes plus heureux que quand nos plaisanteries font rire la bonne. Ah, faire des choses que les petits enfants copieraient sur leur cahier, c'est ça être classique. Alors être classique, les petits-enfants écrivant sur leur cahier, cela pose directement, Stéphane Gugelmann, la question, ça repose la question que je vous proposais en commençant, caractère classique de Jules Renard. Pour l'instant, il n'y a pas atteint, ou plutôt il a quitté cette situation dans l'ensemble du système de l'éducation nationale, par exemple. Alors aujourd'hui, il semble que oui, ça n'était pas le cas de son vivant. Renard est entré dans les programmes scolaires de son vivant. On a très vite fait de poils de carottes et des histoires naturelles, des textes qu'on soumettait aux élèves. Il est entré de son vivant, mais il en a payé le prix, je dirais à titre posthume. Il est d'ailleurs mort très jeune. Il est, en 1910, il avait 46 ans. Il a eu le temps néanmoins d'être dans les manuels, à côté de Sully Prudhomme et de Lucie de la rue Mardru, et d'heureusement d'autres qui ont échappé à la faux du temps. Et puis ensuite, lui, il n'y a pas échappé complètement. Oui, alors on l'a très vite considéré comme un écrivain classique et français, comme on disait. Et malheureusement, alors de son vivant, ça lui a fait très plaisir, il en est très très fier, mais ça a nuit sans doute à sa notoriété, parce qu'on en a fait après un écrivain addicté, si je puis dire, un écrivain pour manuel scolaire. Pour certificat d'études. Exactement. Et il a été un peu enfermé dans ce cadre scolaire. On lui a posé l'étiquette d'écrivain Troisième République, utilisant une belle langue, bien lustrée, bien vernie. Mais ça a été au prix de l'oblitération de toute une partie de son œuvre, de son journal déjà. Alors le journal est connu dans les années 20, mais qui est beaucoup plus râpeux, beaucoup plus incisif que les histoires naturelles, par exemple. Les histoires naturelles, ce sont des descriptions d'animaux. Et par ailleurs, on a oublié les textes de la fin, si je puis dire, qui parlent de la paysannerie, qui sont beaucoup plus impliqués politiquement. Et ça n'est jamais apparu dans les manuels scolaires. Commençons néanmoins par situer l'émergence de cet écrivain dans les années 1890, pour le faire surgir sur la scène. Je vous propose cette archive. Ce sont les souvenirs de André-Paul Antoine, le fils d'Antoine, l'homme de théâtre, qui était un grand ami de Jules Renard, qui a joué ses pièces. André-Paul Antoine se souvient de Renard dans la loge de son père. C'est une archive du 5 octobre 1975. Ah ça, Renard, alors c'était une joie. Mais j'étais déjà plus grand, je devais avoir une douzaine d'années. J'avais l'âge à ce moment-là de poils de carotte. Je l'ai vu pour la première fois dans la loge d'Antoine, au théâtre Antoine. Je suis entré et je vois encore l'œil de Renard sur moi. Il a porté à Antoine un faisan ou un lièvre qu'on avait tué dans son patelin. Et il pensait que ça nous ferait plaisir. Et je vois encore l'œil de Renard qui était un œil. C'est vraiment un microscope. C'est un œil qui vous traversait, amusant, amusé, curieux, objectif, terriblement. Il m'a posé deux, trois questions, histoire de me faire parler. Je me suis méfié immédiatement, je ne sais pas pourquoi, instinctivement. Ça doit être l'insecte devant le bonhomme qui l'étudie. Vous savez, on avait l'impression d'être dans une boîte avec un type qui vous regardait à la loupe. Une voix amusante, assez sèche, assez aiguë, mais alors pleine d'humour. Les intonations, une intonation de Renard était vraiment un monde qui s'ouvrait. C'était une merveille. Vous le reconnaissez là, Stéphane Gugelmann, votre Jules Renard ? Oui, c'est un très beau portrait. Il y a beaucoup de choses qui correspondent à ce qu'on peut deviner en lisant Renard et puis en lisant les témoignages sur Renard. D'abord, cet œil de Jules Renard. Tous les contemporains remarquent sa capacité à scruter, cet œil qui vous déshabille, qui vous fixe. André-Paul Antoine parle de microscope et de fait, en l'occurrence, son style, lui aussi, microscopique. Il aime les formes brèves, les formes concises. Il a le goût du détail et il aime faire éclore d'un détail une dimension poétique. Les citations proposées par Sacha Guitry en témoignent assez. Exactement. Cet œil n'est pas toujours bienveillant, il est parfois rosse. Pour être rosse, il faut avoir aussi un œil, il faut voir chez celui qui est en face de vous la petite faiblesse, voir là où le bas blesse. Et Renard perçoit très très bien toutes les petites faiblesses de ses contemporains. Il sait les saisir et il sait s'en moquer. C'est l'écrivain rosse. « Je vois la vie en rosse », disait-il. Alors c'est très vrai dans la première partie de sa vie. Après, d'une certaine façon, il s'assagit, il est davantage bienveillant, et la Rosserie laisse place à ce que Renard appelle l'humour, et qui tient une place si fondamentale dans sa façon de concevoir le monde et dans sa façon d'écrire également. Restons un peu à l'époque de la Rosserie, alors, pour que vous nous disiez comment il conquiert Paris, à nous deux Paris, à partir de sa Nièvre natale. Oui, en effet, il est originaire du centre de la France, comme il dit. Alors, il n'est pas fils de paysan. Son père était entrepreneur de travaux, petit notable, si vous voulez, de province. Mais il arrive à Paris en 1881 pour passer la deuxième partie de son baccalauréat au lycée Charlemagne. Il aura du mal, d'ailleurs. Il ne l'obtiendra qu'en 83. Et il a la vague perspective de préparer le concours à l'école normale supérieure, et très vite il abandonne le projet parce que, au fond, le contact avec Paris lui fait découvrir les cafés littéraires, les théâtres, toute la vie parisienne, Paris paradis, écrit-il dans son journal, et il écrit à son père qu'il abandonne l'idée de devenir professeur pour se consacrer à la littérature. Et là, on va voir Renard essayer d'infiltrer les milieux littéraires de l'époque. Il comprend très vite que être écrivain, ce n'est pas seulement avoir un style brillant, c'est aussi se faire des relations, avoir un réseau. Donc on le voit prendre contact avec des autorités, faire des visites à l'écrivain. C'est une pratique courante au XIXe siècle. Mais la visite au grand écrivain. La visite au grand écrivain, tout à fait. Copé, Banville, Goncourt, Barrès. Les frères Tarot vont chez Barrès. Exactement. Renard également. Et par ailleurs, il se mêle avec ce qu'on pourrait appeler les avant-gardes des jeunes gens de son âge, et notamment le milieu du Mercure de France. Alors, le Mercure de France est créé en 89, et il deviendra le principal actionnaire du Mercure de France. Où prend-il l'argent, puisqu'il est assez pauvre? Il vient de se marier avec une jeune femme, Marie Morneau, qui a l'immense mérite d'être riche. Stratégie matrimoniale. Alors, il y avait, je pense, aussi du sentiment pour cette femme, mais disons que la dot de Marie Morneau était la bienvenue. C'était pas incompatible, apparemment. Non. Avant de pouvoir se faire publier, d'abord il a du mal à se faire publier, il va faire ce qu'on appellera aujourd'hui des petits boulots. Il va notamment être précepteur d'enfants, il va s'occuper des enfants d'un romancier qui s'appelle Augustin Lyon. Il va entrer dans la société de magasinage et de crédit qui se trouve rue Vivienne. Mais c'est évident que le mariage va résoudre ses problèmes financiers, et à partir du moment où il se marie avec Marie Morneau, il peut non pas vivre de sa plume, mais se consacrer entièrement à son activité littéraire. Il devient un homme de lettres. Il devient un homme de lettres. Il se fait rapidement connaître. Des Sourires pincés, qui paraît en 91, il est remarqué par la critique, et notamment par le fait que dans Sourires pincés, qui est un recueil de textes brefs, apparaît ce petit personnage de poil de carotte, et d'ailleurs il récupérera ces extraits de Sourires pincés pour les introduire dans le livre plus ample de poil de carotte en 1894. Et puis surtout en 92, il fait paraître un roman, Les Cornifleurs, et qui là n'a pas un grand succès public, mais une forte audience critique, et là la critique est unanime pour dire que c'est un roman original, nouveau, et on loue très vite le style de Renard, qui est un style acide, à la fois satirique vis-à-vis d'un couple de bourgeois qui est mis en scène dans ce roman, et puis un style qui est du côté de l'autodérision. C'est le temps aussi, il devient l'ami d'un personnage qui va beaucoup compter dans l'histoire de France, je veux dire Léon Blum, qui à l'époque est à la fois conseiller d'État, critique littéraire à la Revue Blanche, et qui écrit ceci de lui, qui va bien dans le sens de ce que vous nous expliquez, Stéphane Gugelmann. Ce qui fait l'originalité, la supériorité de son talent, c'est d'avoir compris que l'observation, la notation minutieuse des faits ou des caractères, restait inerte si elle n'était servie par des moyens poétiques d'expression. Je crois qu'il dit assez bien qu'on ne fait pas justice à Jules Renard si l'on ne voit dans son œuvre que quelque chose comme l'expression très, très sèche de réalité, un peu rabougrie par l'œil de l'auteur, et que la poésie affleure toujours. Exactement. Donc Léon Blum, il le rencontre dans les milieux de la Revue Blanche. Renard va collaborer à la Revue Blanche. Il fournira un certain nombre de texte à cette revue. Léon Blum tient la critique littéraire, et de fait, Blum perçoit très bien cette cette particularité du style de Renard, c'est-à-dire un style certes resserré, sec, mais extrêmement suggestif. Au fond, l'écriture de Renard suppose la collaboration du lecteur. C'est un peu une écriture en pointillé, et le lecteur doit remplir les blancs du discours, si vous voulez. Et ce style sec, ce style ramassé, est assez original à la fin du XIXe siècle. Hein, quand vous pensez, au fond, la grande autorité de l'époque, c'est encore Zola, c'est-à-dire ces grandes cosmogonies romanesques, ces grandes fresques où on prétend vous rendre compte de la vérité du monde moderne avec des phrases qui s'étalent, des phrases bien grasses. Et le style resserré et suggestif de Renard tranche avec cette façon d'écrire naturaliste. Les manuels ne lui rendent pas justice lorsqu'il l'affuble de l'adjectif naturaliste. C'est trop peu dire. Il y a aussi du rêve et du poétique chez Jules Renard. Et puisque nous avons le goût de le donner à relire ce matin dans cette émission qui lui est consacrée, il est important de le souligner, non ? Alors, c'est un contresens de faire de Renard un naturaliste. Elle s'est opposée au naturalisme, pour les raisons que j'ai un peu évoquées précédemment. Et de fait, Renard, d'abord, refuse le roman. Le seul roman qu'il ait publié, c'est Les Cornifleurs, mais c'est un roman sur le roman qui nous explique qu'on ne peut plus écrire de roman, puisque précisément, le roman raconte l'histoire de cet homme de lettres qui essaye d'écrire quelque chose et qui n'y arrive pas. Et justement, quand on regarde de près Les Cornifleurs, on voit qu'il essaye d'utiliser la méthode naturaliste, si vous voulez. Et ça ne fonctionne pas, donc il faut passer à autre chose. Livre sur le livre que je n'ai pas pu écrire, c'est un genre qui est destiné à prospérer. Exactement. Il y a une forme de modernité, en effet, dans cette littérature qui se prend elle-même pour objet. Bon. Donc il faut inventer autre chose, et cette autre chose, c'est ce que Renard appelle ses proses, ou ses poèmes en prose, c'est-à-dire des textes brefs, qui disent évidemment quelque chose du monde, mais qui le disent en travaillant sur le langage, la matérialité sonore du langage, la concision, la suggestion, les images, qui vont être vraiment un objet de travail pour Renard. Essayer de trouver l'image insolite, celle qui va précisément nous faire voir la réalité autrement. Et c'est tout à fait vrai de ces histoires naturelles que vous évoquiez il y a un instant, et où, très loin de Buffon en fait, il regarde sans vouloir en faire je ne sais quelle taxinomie, ou sans en organiser la famille, il nous parle des animaux, il nous en parle de la manière que vous allez voir, puisque je vais vous donner à entendre le portrait du chat et le portrait du paon, tous les deux bien connus, en tout cas qui méritent de l'être, lu ici par l'admirable Michel Bouquet. Le chat. Le mien ne mange pas les souris, il n'aime pas ça. Il n'en attrape une que pour jouer avec. Quand il a bien joué, il lui fait grâce de la vie. Et il va rêver ailleurs, l'innocent, assis dans la boucle de sa queue, la tête bien fermée comme un poing. Mais à cause des griffes, la souris est morte. Le paon. Il va sûrement se marier aujourd'hui. Ce devait être pour hier. En habit de gala, il était prêt. Il n'attendait que sa fiancée. Elle n'est pas venue. Elle ne peut tarder. Glorieux, il se promène avec une allure de prince indien et porte sur lui des riches présents d'usage. L'amour avive l'éclat de ses couleurs et son aigrette tremble comme une lyre. La fiancée n'arrive pas. Il monte au haut du toit et regarde du côté du soleil. Il jette son cri diabolique. « Léon ! Léon !» C'est ainsi qu'il appelle sa fiancée. Il ne voit rien venir et personne ne répond. Les volailles habituées ne lèvent même point la tête. Elles sont lasses de l'admirer. Il redescend dans la cour, si sûr d'être beau qu'il est incapable de rancune. Son mariage sera pour demain. Et ne sachant que faire du reste de la journée, il se dirige vers le perron. Il gravit les marches comme des marches de temple d'un pas officiel. Il relève sa robe à queue toute lourde des yeux qui n'ont pu se détacher d'elle. Il répète encore une fois la cérémonie. Cette lecture de Jules Renard par Michel Bouquet est extraite d'une émission du 19 décembre 1953, une émission de Robert Mallet. Maurice Ravel a mis quelques histoires naturelles en musique, n'est-ce pas, Stéphane Gougelman? 5 histoires naturelles. Il envoie une invitation à Renard pour que Renard puisse les écouter, mais Renard n'y va pas parce qu'il estime que, comme Victor Hugo, c'est... poèmes n'ont pas besoin d'être mis en musique. Il ne faut pas déposer, disait Victor Hugo, de la musique au pied de mes vers. Exactement, on pourrait dire la même chose à propos de ces histoires naturelles au pluriel. Donc déjà, le pluriel des histoires naturelles nous montre qu'on n'est plus dans une approche scientifique ou éthologique de l'animalité. D'ailleurs, La première phrase du chat qui vient d'être lue admirablement par Michel Bouquet, c'est « Le mien ne mange pas les souris ». Donc il y a une volonté de dire que ce sont les animaux vus par Jules Renard, c'est moi qui regarde, c'est le mien. Et le chat de Renard ne ressemble pas à tous les chats puisqu'il ne mange pas la souris. Donc il y a chez Renard cette volonté pour les animaux, mais aussi pour les hommes, de rendre justice aux individus, aux singularités, à tout ce qui échappe au fond à la règle générale. Il disait le savant généralise, l'artiste individualise. Et au fond, si la littérature a un espace propre, c'est celui-là. C'est de dire le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, si vous voulez. C'est ce que n'arrivent pas à dire les discours globalisants. Vous parlez là de Mallarmé, vous citez Mallarmé, dont Jules Renard disait « intraduisible même en français ». Formule géniale quand on y pense. On peut prendre la formule en disant « Renard n'aimait pas Mallarmé, ne le comprenait pas », mais il me semble que si on réfléchit bien à la formule « intraduisible même en français », on aboutit à une bonne définition de Mallarmé qui voulait écrire le livre et trouver cette langue absolue qui dise l'être des choses. L'idée du livre qu'on n'arrive pas à écrire, ça c'est très présent chez Jules Renard, puisqu'il disait « j'ai une idée de roman en forme de hérisson car je n'ose pas y toucher ». Oui, alors la panne, la page blanche, le manque d'inspiration sont évidemment des choses que connaît Renard, comme beaucoup d'écrivains. Il a par ailleurs le scrupule, c'est un écrivain scrupuleux qui veut écrire d'une façon absolument parfaite. N'est-ce pas ? Il y a le désir de perfection, ce qu'il appelle le mot juste, le mot exact, le mot essentiel qui réveillerait un mort, je cite à peu près. Et ce perfectionnisme, si je puis dire, aboutit à une œuvre qui n'est pas très abondante. Hein. Il est le vigneron dans sa vigne qui récolte les meilleures grappes et nous en donne quelques grains. Mais il refuse, au fond, de s'étaler ou même de céder à des genres bien constitués parce que, précisément, il a cette haute idée de la littérature. C'est à propos de Mérimée qu'il dit « L'avenir appartient aux écrivains secs ». Et il ajoute au constipé. Voilà, écrivain constipé, façon évidemment de se moquer de lui-même. Mais en effet, il cherchait ce qu'il appelle la sécheresse idéale, c'est-à-dire ces quelques mots qui vont suggérer tout un monde. Et au fond, cette écriture qui s'évide, qui accueille le blanc, mais qui accueille aussi le lecteur. Alors on s'est moqué un peu de cette ambition. Catulle Mendès disait « Renard admire la phrase « la poule pond ». N'est-ce pas ? Parce qu'en effet, la poule pond, c'est une phrase brève et qui dit tout. Un peu déjà Francis Ponge, non ? Oui, mais Renard n'a jamais écrit la poule pond, n'est-ce pas ? Et n'aurait pas pu l'écrire d'une certaine façon. Parce que le sens de cette phrase est trop plein. Et il faut que le lecteur découvre par lui-même que la poule pond, si je puis dire. Et c'est la raison pour laquelle on n'est pas du tout dans cette écriture de la saturation du sens, mais bien au contraire, une écriture de, encore une fois, de la suggestion et du pointillé du blanc. Il est en même temps un homme de sociabilité littéraire, vous le disiez tout à l'heure. Il est membre, par exemple, de l'Académie Goncourt. Oui, il est élu en 1907 au couvert de Huysmans. Il n'est pas élu facilement. Il y a une bataille qui se joue. Il est soutenu par Mirbeau et par Descaves. Il arrive tout de même à être élu. Il en est, je pense, très fier. Il ne détestait pas les honneurs. Il y a des textes notamment qui sont consacrés à la Légion d'honneur. Quand on lui remet la Légion d'honneur, ça lui procure une émotion sans borne. Beaucoup de choses sur la vanité qu'il prétend dominer. Il dit à peu près, c'était pas de lui, mais pour la modestie, je ne crains personne. Oui, c'est un peu ça. En effet, la question de la vanité est une question qui l'agite beaucoup. Il est à la fois vaniteux et honteux d'être vaniteux. Et le journal le montre bien, si je puis dire, cette sorte de scission entre ce moi social qui aime les décorations, qui aime les honneurs, et puis cette distance du diariste qui trouve tout ça très dérisoire. Alors l'expérience Goncourt a été pour lui une grande déception. D'abord, il s'aperçoit que ses commensaux ne lisent pas vraiment les livres. Il est le seul à venir avec ses petites fiches et avoir fait son travail. Ça, c'est très daté, heureusement. Bien sûr. Et par ailleurs et surtout, nous sommes après l'affaire Dreyfus et il est absolument sidéré par les propos antisémites que tiennent certains de ses collègues, notamment Léon Daudet, Elémir Bourges ou Rony Aîné. Et le journal rapporte ces propos antisémites extrêmement virulents qui le le dégoûte, il n'y a pas d'autre terme, et il se demande ce qu'il fait là. On a l'impression d'être dans une maison de retraite de vieux amis, dit-il. Il les trouve gâteux. Et l'expérience Goncourt a donc été plutôt décevante pour lui. Était-il un écrivain de la hargne, de la sévérité, de la dérision, ou ne l'était-il pas? C'est la question que pose Michel Tournier. Je suis heureux, évidemment, aujourd'hui, de rendre hommage à Michel Tournier, qui vient de disparaître, un des grands écrivains du XXe siècle. Michel Tournier s'exprime sur Jules Renard et défend, vous allez voir, la thèse que c'est un auteur de célébration et non pas de dérision. C'est un extrait d'Une vie, une œuvre, de l'émission de Thierry Aveline sur Jules Renard, le 11 novembre 1993, naturellement sur France Culture. Vous savez, il y a deux catégories d'écrivains. Les écrivains de dérision et les écrivains de célébration. Et la plupart des réalistes, à commencer par Flaubert, mais aussi, surtout, Maupassant, sont des écrivains de dérision. Et c'est-à-dire qu'ils sont furieux quand ils font des notations de médiocrité. Flaubert décrivant Homais, eh bien, on sent à chaque ligne que Flaubert déteste M. Homais. Il le hait. Eh bien, c'est exactement l'inverse avec Jules Renard. On a l'impression que tous les personnages de sa fiction, à commencer par Ragotte, eh bien, il les aime. Il y a une espèce d'admiration. Et je crois pouvoir dire, oui, que Jules Renard est un écrivain de célébration. Il aime les choses, il aime les animaux. Pour décrire les animaux comme le fait Jules Renard, il faut les aimer. Oh, il n'est jamais bas. Il n'est jamais haineux, mais il est piquant, il est acide, il mord, mais il n'y a pas une noirceur et une démolition et une diffamation systématique comme on pourrait le craindre. Il y a le fameux passage où il s'enthousiasme sur Zola, n'est-ce pas? C'est le 23 février 1898. Zola est condamné à 1 an de prison et 1 000 francs d'amende, et moi je déclare que je suis écœuré à plein cœur, à cœur débordant, par la condamnation d'Émile Zola, que je n'écrirai plus jamais une ligne à l'écho de Paris, que Monsieur Fernand Xau est physiquement un des plus petits hommes que je connaisse, mais qu'à force de platitude dans ses déclarations à ses abonnés, il arrive à me paraître encore plus petit. C'est l'indignation admirable, n'est-ce pas? Parce qu'il a été un Dreyfusard passionné, Jules Renard. Alors là, vous avez une page entière, 2 pages qui sont vraiment de la polémique. Mais regardez l'allure, hein, ça a beaucoup d'allure. Beaucoup d'allure, célébration, dérision, qu'en pensez-vous, Stéphane Gugelmann? Michel Tournier a raison de mettre l'accent sur un versant de Renard qui est moins connu. On connaît le Jules Renard Ross, mais il y a le Renard humaniste, le Renard bienveillant, et cet aspect de Renard va se développer, si je puis dire, à partir du moment où Renard retourne en son pays. En 1896, il va louer une maison à Chaumont, près de Chitry-les-Mines, le village de son enfance, et là, d'une certaine façon, il redécouvre le prolétariat rural, les paysans. Et le regard qu'il porte sur eux n'est pas du tout le même que celui qu'il porte sur ce monde parisien qu'il côtoie par ailleurs, fait de vanité littéraire et de gens qui se rengorgent. Et là, en effet, le regard, Tournier parle de Ragotte. Ragotte, c'était la bonne de Renard. Hein. C'est la bonne qu'il avait à la Gloriette. La Gloriette, c'est le nom de la maison qu'il a à Chaumont. Et alors, face à ces êtres vulnérables, ce qu'il appelle ses frères farouches, reprenant une expression de La Bruyère, le regard, en effet, est celui de la célébration, en tout cas d'une forme de respect et de bienveillance. Ça n'empêche pas parfois qu'il manifeste quelques doutes, puisqu'il imagine qu'après sa mort, on érigera une statue, puisqu'il était maire de son village, on érigera une statue avec sur le socle, à Jules Renard, ses compatriotes indifférents. Alors cette remarque, me semble-t-il, amère en effet, vient de son expérience politique, de sa campagne électorale, en 1904 notamment, qui a été extrêmement dure. Il a essuyé des tracts insultant, on l'invite à se faire baptiser au sécateur pour son dreyfusisme. Le curé, le propriétaire du château du coin se lie contre lui, ce qu'il appelle le groupe, et la campagne est très violente. Sécateur, c'est une allusion à la circoncision, j'imagine. Bien sûr. Oui. C'est pour être maire, c'est la campagne municipale, n'est-ce pas? Exactement. Parce qu'il choisit de devenir un homme politique, et de cela je voudrais que nous parlions un moment, puisque nous allons voir que nous évoquons l'actualité de Jules Renard, qu'à cet égard, des échos sont fréquents avec aujourd'hui, tous les problèmes d'une vraie laïcité, de tolérance, question d'une présence en face la question d'une relation particulière avec des électeurs, un respect pour eux. Oui. Alors son père était déjà maire du village de Chitry-les-Mines. Donc c'est dynastique. C'est dynastique. Il y a eu un intermède puisque son père s'est suicidé en 1897. C'est un moment très saisissant qui est raconté dans le journal. Donc il est un peu son héritier en se faisant élire maire de son village. En partie, surtout qu'il suit les traces de son père. C'est un républicain, c'est un laïc. Mais surtout, cet engagement politique, il est lié à deux événements. D'une part, évidemment, l'affaire Dreyfus, qui bouscule évidemment considérablement le champ social à la fin du 19e siècle. Et le propos que vous évoquez arrive quelques semaines après le fameux J'accuse de Zola, où Émile Zola se jette dans la bataille à corps perdu avec un courage admirable, que salue Jules Renard. Exactement. Donc l'affaire Dreyfus d'abord. Donc il vient à l'affaire Dreyfus par Zola. C'est la condamnation de Zola à laquelle il était fait allusion dans l'archive sonore qu'on a entendu, à un an de prison et 1 000 francs d'amende, qui indigne Renard. Renard écrit ce texte dans son journal, ce n'est pas un texte publié. Écriture de ce texte qui d'ailleurs rappelle le J'accuse de Zola, où Renard dit son indignation, dit sa révolte et proclame que le mot de justice est le plus beau mot de la langue des hommes. Et je pense que cet épisode va lui faire comprendre que écrire ne suffit plus, il va falloir agir, il va falloir convertir les esprits à la tolérance. Terme qui se trouve également sous la plume de Renard, notamment quand il va voir Claudel, anti-Dreyfusard, antisémite acharné, et Renard lui dit « et la tolérance ?» et Claudel lui répond « il y a des maisons pour cela ». Ah, c'est à Jules Renard qu'il a tenu ce propos fameux. Tout à fait. Deuxième événement fondateur de l'implication politique de Renard, c'est sa rencontre avec Jaurès. Alors, il y avait déjà l'amitié avec Léon Blum, qui lui-même va s'engager politiquement, comme vous le savez. Mais Léon Blum lui fait rencontrer Jaurès en 1901. La première rencontre ne produit pas chez lui un étonnement démesuré. Il le trouve négligé, il le trouve un peu timide dans son anticléricalisme. Il a, dit-il, l'aspect d'un professeur de quatrième qui ne serait pas agrégé, ne prendrait pas assez d'exercice, ou du gros commerçant qui mange bien. Bon, donc impression mitigée s'il en est, et Blum lui dit, il faut que vous alliez voir Jaurès parler à la chambre, c'est un orateur. Et c'est ce que fait Jules Renard, et là il découvre cet homme qui est, dit-il, le génie du socialisme, c'est-à-dire le socialisme fait chair. C'est pas un socialisme de raison, c'est pas un socialisme théorique, c'est pas un socialisme du discours, c'est pas non plus du socialisme de politicien, comme il pourra le rencontrer d'ailleurs dans sa Nièvre. Et effectivement, son regard sur Jaurès change dès lors qu'il l'écoute. Ce n'est pas de la parole, mais tout de même, c'est l'orateur qu'il admire, comme vous le disiez. Le début lent des mots séparés par de grands vides, on a peur, n'est-ce que cela? Tout à coup, une grande vague sonore et gonflée qui menace avant de retomber doucement. Il a une dizaine de vagues de cette ampleur, c'est le plus beau, c'est très beau, il parle 2 heures et il boit une goutte d'eau. Fin de citation. Exactement. L'orateur le fascine. Le terme d'admiration, qui est un terme assez rare sous la plume de Renard, apparaît à propos de Jaurès. Je crois que c'est le seul être vivant qui l'admire. Bon. Oui, même son cher Edmond Rostand, il dit: il est d'une santé si frêle qu'on hésitera toujours à ne pas lui trouver du talent. D'ailleurs, Renard collabore à l'Humanité, le journal que crée Jaurès en 1904. Il y collabore dès le premier numéro. Dès le premier numéro, il envoie à Jaurès un texte qui s'appelle « La vieille », qui n'est pas un article, qui est une sorte de portrait de la plus vieille femme de son village. C'est un texte très littéraire. Jaurès ne s'y trompe pas et il le publie en première page. Et Jules Renard va donner la première année, 1904-1905, une dizaine de textes pour l'Humanité. L'amitié est réelle et profonde entre les deux hommes. C'est d'ailleurs Jules Renard qui se trouve aux côtés de Jean Jaurès quand celui-ci, en 1904, hésite à accepter un duel avec Déroulède, le poète nationaliste qu'il a offensé. Et Jules Renard lui dit, écoutez, on a besoin de vous, vous n'allez pas prendre un tel risque, ce n'est pas raisonnable. Et Jaurès lui dit, ce qui prouve qu'il lui fait vraiment confiance, j'ai pris le temps de la réflexion, je ne pouvais plus. C'est du journal que j'extrais ces phrases. Depuis quelque temps, je les sens tout cela, prêts à m'insulter dans ma femme ou dans ma fille. Je reçois des lettres d'ordure, je sens grimper les limaces, je me sens couvrir de crachats. Je veux arrêter cela par un geste ridicule, mais nécessaire. Le geste ridicule, c'est le duel. Et comme Déroulède est exilé en Espagne, on doit l'autoriser pendant un bref moment à venir sur les rives de la Bidassoa pour échanger quelques coups de feu, d'ailleurs heureusement sans que la cible ou les cibles soient touchées, avec Jean Jaurès. Oui. Alors, admiration réciproque. D'abord, Jaurès a admiré Renard, et quand Renard meurt, Jaurès écrit un très bel hommage dans l'Humanité, le grand artiste qui a si merveilleusement condensé les détails épars et familiers de la vie et qui savait que nos grands rêves de justice sont tout frémissants de réalité. Amitié, admiration littéraire. Et par ailleurs, il a, vis-à-vis de Jaurès, une relation presque maternelle ou paternelle. Ça revient à plusieurs moments dans le journal. Il s'inquiète de Jaurès comme on pourrait s'inquiéter de son propre enfant. Même s'il est plus jeune que lui. Exactement. Jaurès, près de lui, j'ai une admiration attendrie. J'ai envie de lui dire, venez donc avec moi chez Marinette. Elle vous soignera et prendra soin de votre linge. Marinette, c'est sa femme, on peut le rappeler. C'est la femme de Renard, un de plus, un de moins. C'est d'ailleurs pourquoi, dans le propos que vous évoquez, Jaurès, au moment de la mort de Renard, écrit « C'était un grand artiste et un cœur très haut », ce qu'un certain nombre d'observateurs n'auraient pas attribué à Jules Renard. Non, parce que ce cœur, finalement, ce cœur très haut, était caparaçonné derrière une sociabilité acide. Et on s'en rend compte lorsqu'il milite dans son Nivernais, dans le département de la Nièvre, quand il se fait élire. Et alors j'ai été retrouver un propos, ça ne vous étonnera pas tout à fait, Stéphane Gougelman, un propos d'un Nivernais fameux, d'un élu de la Nièvre, je veux dire François Mitterrand, qui naturellement appréciait beaucoup Jules Renard, et qui en parle de la façon suivante, dans Une vie, une œuvre, toujours l'émission de Thierry Aveline du 11 novembre 1993. Écoutez, François Mitterrand, c'est à la fin de son second septennat, parler de Jules Renard. De souche, d'environnement, de tempérament, c'était un homme de gauche. À l'époque, être radical, c'était déjà être à gauche. C'était un laïc. Et souvent la gauche se définissait par le combat pour la laïcité, c'est-à-dire pour une certaine tolérance. Mais en même temps, c'est très typique de ce que l'on peut voir là-bas, entre Clamecy et Corbigny. C'est une nature d'homme qu'il faut bien connaître. C'était encore le combat républicain, et la République n'était pas encore bien assise. Donc, pour la défendre, il y avait des combattants. Il en faisait partie. On sent une communion d'idées certaines entre Jules Renard et les principaux responsables du socialisme et de la gauche républicaine de l'époque. Il n'est pas possible de fréquenter Jules Renard sans apercevoir une force de réflexion, une qualité de caractère et un visage qui exprime une partie de la France. Cette région aussi, c'est une des rares qui est en France, qui est organisée une sorte de révolte au moment du coup d'État du 2 décembre. Et cette tradition est très, très forte là-bas. Il avait envie d'action. Le soir des élections, quand il gagnait, c'était un homme heureux. Ça peut paraître bien simple pour un homme de cet écrivain apparemment inassimilable. Un homme heureux. Oui, cet enracinement dans le Nivernais est très, très important. Jules Renard disait « Je suis un homme du centre de la France, à l'abri des brumes du Nord et des coups de sang du Sud. » Oui, il est attaché à sa petite patrie, mais sans l'idéaliser. Il n'est pas nationaliste, il n'est pas barétien. Il n'y a aucune exaltation de la terre ni des racines chez Renard. Il n'est pas même patriote, il est, dit-il, compatriote. Ce qui est un petit peu différent. C'est-à-dire, quelle est la différence à vos yeux? Eh bien, c'est-à-dire que la nation est conçue comme une société unie autour de la République. Et Mitterrand a raison d'insister sur ce combat républicain qui a été le sien, qui a été un combat total Et Renard a essayé d'être une sorte d'apôtre républicain. Blum disait à propos de Renard que c'était un janséniste laïque. Il y a une forme d'intégrisme républicain qui passe en grande partie par la promotion de l'école. La République, c'est avant tout l'école républicaine pour Renard. C'est encore un peu vrai, probablement, on s'en aperçoit ces temps-ci. Mais j'espère que c'est encore vrai. En tout cas, Renard d'abord conçoit l'école pour filles et pour garçons, et quand il est élu maire de son village en 1904 et qu'on voit ce qu'il a fait concrètement, eh bien on s'aperçoit que l'accent est mis précisément sur la rénovation, l'extension de l'école communale. Il veut que les fournitures scolaires soient délivrées gratuitement. Il demande une subvention au département qui, hélas, refuse. Il va de ferme en ferme essayer de convaincre les paysans d'envoyer leurs enfants à l'école et ne pas les garder pour les travaux des champs. Et il a vraiment cet investissement. Il est ce qu'on appelle délégué cantonal du ministère de l'Instruction publique, c'est-à-dire qu'il a charge de voir si tout se passe bien dans les écoles de sa commune. Il fait même passer le certificat d'études. Il y a cet investissement très concret de Renard dans la politique scolaire de son village. François Mitterrand dit il est radical. Il ajoute à l'époque, c'était être de gauche. Évidemment, c'était être de gauche, mais il n'est pas évident que Jules Renard ait accepté l'intitulé radical. Il se sentait peut-être plus près du socialisme, non ? Alors, dans un journal local, on le qualifie de radical et il écrit tout de suite à ce journal en disant « Je ne suis pas radical, je suis socialiste ». Et pour lui, il y a une différence. Cela dit, il n'a jamais pris sa carte à la SFIO, au Parti Socialiste Unifié, et il n'a jamais été encarté, je pense, parce qu'il aime trop sa liberté pour ça, et sans doute aussi parce que s'il aime le socialisme, il est déçu par les socialistes. Là, on est vraiment loin de l'écrivain qui s'introduit dans les cercles parisiens, qui est un homme qui aime la capitale. On a quelqu'un qui retrouve la glèbe à ses sabots, en tout cas à ses chaussures. Alors oui et non, en fait, parce qu'il passe un certain temps dans la Nièvre, mais il revient à Paris, et là, on le voit retrouver sa vie très parisienne. On l'appelle d'ailleurs même l'homme des banquets, alors qu'il est maire d'un tout petit village rural. Donc il y a les deux aspects chez Renard. Il n'a pas complètement abandonné les vanités parisiennes. Et d'ailleurs, ses compatriotes lui faisaient sentir, il restait quand même dans le regard des paysans, monsieur le maire, le monsieur bien habillé, le parisien. Il en a souffert d'ailleurs, il a toujours essayé d'effacer la distance, mais cette distance ne s'est jamais vraiment effacée. Je voudrais que nous terminions cette conversation, Stéphane Gugelmann, en abordant de front la critique de Jean-Paul Sartre, parce qu'elle a beaucoup compté. Elle remonte à 1946 ou 7, juste après la libération. Une nazarde très violente portée par Sartre à l'ombre de Jules Renard, quand il parle d'un écrivain ligoté. Voilà, c'est un article qui paraît juste après la guerre, Jules Renard ou l'homme ligoté, où Sartre livre sa lecture du journal. Et il dit une chose qui est très juste, il dit « Renard a inventé la littérature du silence ». Mais ensuite les choses se gâtent, parce qu'il interroge ce silence et il dit « Renard a des silences vides ». Ce sont des silences qui ne disent rien. Au fond, Renard est ligoté par une représentation du monde bien trop traditionnel. Il est victime de la façon dont on représente le réel à son époque. Il n'a pas su le dépasser. Il dit qu'il est de ces hommes ligotés donc confinés sur un sol trop travaillé, 100 fois labouré, et qui cherchent anxieusement le pain de terre vierge. Mais ce que ne comprend pas Sartre, et ce qui est dramatique pour Sartre, c'est l'humour de Renard. C'est-à-dire qu'il lit Renard au premier degré. Or, face à un auteur qui fait de l'humour sa marque de fabrique, il faut toujours supposer un sens second qui n'est pas fixé par le texte et que le lecteur doit trouver par lui-même. Donc Sartre s'apesantit sur une comparaison en disant « Regardez, le comparant dit pas grand-chose du comparé » sans s'apercevoir que le comparé ici doit être pris humoristiquement et donc pas au pied de la lettre. Et du coup, Sartre passe complètement à côté de l'œuvre de Renard. Malheureusement, ça a eu des conséquences puisque Sartre avait cette aura intellectuelle que l'on connaît. Et du coup, après, eh bien, on ne s'intéresse plus beaucoup à Renard parce que dire qu'on aime Renard, au fond, ça voudrait dire qu'on est bête puisqu'on s'intéresse à une écriture qui est purement phénoménologique et qui ne s'intéresse pas au sens profond du monde. Il n'est pas engagé alors que nous voyons qu'il l'a été, de fait. Sartre écrit « Son journal, parti pour être un exercice de sévérité lucide, devient très vite un coin ombreux et tiède de complicité honteuse avec soi-même. » Là, on a l'impression qu'il l'a vraiment très mal lu ou très mal compris. Il l'a très peu lu parce que dans les carnets de la drôle de guerre, on voit que Sartre lit le journal jusqu'en 1892, c'est-à-dire qu'il lit les 5 premières années et il ne lit pas le reste. Le journal s'arrête en 1910. Donc il juge Renard vraiment à l'aune d'un tout petit bout du journal. Et puis par ailleurs, Renard concevait la littérature comme un acte politique. Les œuvres de la fin de Renard, donc Nos frères farouches, Ragotte, certaines bucoliques, qui sont consacrées à des portraits des paysans, à des portraits de la ruralité, sont précisément des actes politiques pour Renard, parce que Renard estimait que le prolétariat rural n'était pas pris en compte suffisamment par les hommes politiques parisiens. On s'intéressait au prolétariat ouvrier, mais pas au prolétariat rural, où on n'en parlait pas bien d'une certaine façon. Et ces façons pour lui de donner une visibilité à ce prolétariat rural et à le rendre dans son unicité, sa diversité, sa singularité. C'était aussi le but, la préoccupation d'un Daniel Halévy quand il fait une visite aux paysans du centre. Exactement. Émile Guillaumin qui a représenté assez clairement ce genre de personnage qu'il s'agissait de faire émerger au devant de la conscience nationale. Exactement. Et je pense qu'Émile Guillaumin se situe dans le sillage de Jules Renard. Donc si j'ai bien compris, Stéphane Gugelmann, et à vrai dire je m'y attendais un peu, vous avez organisé au long de notre conversation la revanche de Jules Renard par rapport à Jean-Paul Sartre. Ça n'est pas si mal. Écoutez, je n'ai pas cette ambition, mais si on peut retrouver... Si vous l'aviez. Si on peut retrouver... Si on peut retrouver le vrai Renard derrière le Renard caricaturé par Sartre, ce sera déjà une bonne chose. Très bien, nous n'aurons pas donc perdu notre temps. Vous avez notamment contribué à un précieux numéro de la revue Europe de décembre 2015, novembre-décembre 2015, tout récent, qui est consacré à Jules Renard. Et vous vous apprêtez à nous donner un livre qui va paraître très bientôt chez les Classiques Garnier, 2016 en tout cas, avant l'été, nous espérons bien, qui s'appelle Jules Renard, écrivain de l'intime. Pourquoi l'intime ? Alors, l'intime parce que Renard écrit à partir de lui-même toujours, même ses textes à vocation politique, même lorsqu'il fait des portraits, comme je le dis, des textes sur la paysannerie, c'est toujours à partir de sa subjectivité. Le moi est absolument central, non pas qu'il ne parle que de lui, mais il parle toujours à partir de lui-même. Ma vérité, c'est mon impression, pourquoi y en aurait-il une autre ? Et cette phrase est fondamentale, la vérité livrée par Renard est une vérité subjective et personnelle, intime. Très bien, mais vous nous donnez envie de vous lire, souhaitons que votre éditeur ne procrastine pas trop. Il faut aussi signaler qu'on peut accéder commodément à l'essentiel de l'œuvre, au journal et à l'essentiel de l'œuvre de Jules Renard dans la collection de la Pléiade, présentée pour les œuvres par Léon Guichard. Il faut citer un autre nom, Michel Autran, qui a produit une thèse qui a fait date sur l'humour de Jules Renard dans les années 70. Très bien, merci beaucoup. Vous pourrez, mes chers auditeurs, trouver une bibliographie, vous le savez, complète sur notre site, plus complète, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission afin de la garder par-devers vous pendant très très longtemps, tout en relisant les œuvres de Jules Renard. Samedi prochain, nous parlerons... Ah, de quoi allons-nous parler ? Je voudrais citer une lettre de Jules Renard à sa sœur à propos de la mère de sa femme. Cette femme est une irresponsable à gifler. C'est la belle-mère du délire. De toutes parts, on me conseille de m'en débarrasser. Fin de citation. Eh bien, je ne vous le cache pas, la semaine prochaine, nous allons parler des belles-mères. Nous n'allons pas le faire d'une façon aussi négative, rassurez-vous. Mais enfin, c'est une réalité sociale, c'est quelque chose comme un mythe culturel aussi, que la belle-mère à travers les âges, en particulier au XIXe siècle. Et c'est probablement, vous ne me contredirez pas, une réalité également contemporaine. Donc, passé, présent, avec Yannick Ripa. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée aujourd'hui par Doria Zénine, avec à la prise de son Clément Daté, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain et Nathalie Durand pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, je vais passer le témoin à Christine O'Krent pour Affaires étrangères.